caresses sont tes frissons. On sent ça secoue en nous foutant. Soit tu ne te coupes pas assez. Mais on va arrêter, arrêter. Doudou, arrêter. Oh non, arrêter. Doudou, arrêter. Vous et puis moi. Arrêter. Doudou, arrêter. Si on chimère. Doudou, arrêtez.